RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylvain, bonsoir le slasher. Bonsoir. Et bonsoir à notre invité. On a un invité aujourd'hui. Ben, c'est un peu pour changer un petit peu. C'est aussi pour un peu vous parler aussi de. On a un slasher qui a à peine l'âge, on va dire son âge, à 12 ans. Et un petit peu aussi le regard du métal à travers une jeune demoiselle d'à peine la vingtaine. Donc c'est voilà. C'est moi que tu parles. Oui, t'as marqué, je te regarde. Et alors voilà, quoi. Donc, Tu vas balancer une Saint-Valentin. Ah, c'est demain à propos, oui. C'est demain. Oh. C'est demain. Alors bonsoir Kathleen. Bonsoir. Voilà, elle est habituée, elle a été aussi ici à la Frégate, donc elle connaît un peu le studio, voilà, et c'est tout une métalleuse. Donc on a décidé, c'est le slasher qui a lancé l'invitation hier. Oui, c'est bien. Voilà, c'est déjà 12 ans, idée. Déjà 12 ans, il lance des invitations. Tu vois, bah, il est sur les routes de son papa. Il a besoin de faire des filles. Voilà, voilà. Alors, au programme, ben, beaucoup de nouveautés. Tu vas nous présenter des bons titres. J'ai travaillé dur. Voilà mon cahier. C'est bien. C'est la seule qui vient avec un cahier. Moi, j'en ai un. Je peux le montrer ici. Hein. Voilà. Mais moi, c'est pour noter ma playlist. Moi, j'ai tellement de choses que je peux pas tout retenir. Voilà. Il faut toujours des notes. Hein. Ça fait une meilleure émission. Voilà. Ouais, puis ça fait sérieux, ça fait classe. Ouais. Ça fait. Et bientôt, on va ça nous fournir. La nana qui bosse. Je suis énormément. Oh, okay. En fait, excusez-moi. Oh, pardon. Non, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent pas, mais ça prend du temps. Hein. Ouais. Moi, quand je faisais la radio avec la Frégate, c'était chaque mercredi du mois. On préparait l'émission tous ensemble. Voilà. Et le dernier mercredi, on faisait l'émission. Ah bah, c'est bien. Ouais, et puis nous, on a quand même tous les live reports à préparer, les interviews. C'est quand même beaucoup de choses. Et n'oublions pas que c'est du bénévolat. C'est vraiment notre passion. Une passion. Et comme tu dis, en plus de ça, on va bientôt mettre en place une émission TV. Donc voilà. Alors au programme de l'émission, bien entendu, on va retrouver la slasher song parce que le slasher il fait des fois des menus découvertes. Bien entendu, la Sylval song, il y aura les sons de Sylval aussi qu'elle a pioché et beaucoup de nouveautés. Là, on va partir du côté de la Californie, de Los Angeles avec Tirata et j'espère que ça va bien se passer aussi à Los Angeles parce que je ne suis pas trop l'actualité, mais avec le fameux barrage qui manque de CD en Californie avec les intempéries, bon, j'espère que ça va bien passer de ce côté-là aussi, comme partout dans la misère du monde. J'espère que tout se passera bien. On va s'écouter Watch in Burn, l'album s'appelle Fate Strike Trice, c'est pas mal, c'est nouveau, c'est tout frais et c'est sur Riff d'Enfer. Oh, Chirata, Watch in Burn. Franchement bien. Hein. Ouais, ça, excellent. Ça bouge bien, ça aussi. Ça bouge bien, et comme on dit, on, là, un peu, on passe un petit peu du côté du métal féminin. Je dis comme féminin, comme vous le savez, j'aime pas dire voices, ouais, ça fait. Femelle, on n'est pas des kleps. Voilà, et c'était pas mal. Donc, bon, on va en profiter tant qu'on a une petite jeune comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le métal ? Petite Jones. Jones. Qu'est-ce qui m'a fait tomber dans le métal ? On va pas dire que j'ai. Allez, que depuis que je suis petite, j'ai baigné dedans parce que ma maman, elle était plutôt influence zouk. Mmh. Donc, oui. Ouais, c'est très différent. J'ai toujours aimé ce qui était un peu. Au début, ce qui était pop, rock et tout ça. Et une fois, au début que j'allais à l'école en bus à Saint-Charles-d'Outigny, je parlais beaucoup avec les chauffeurs parce que j'avais pas beaucoup d'amis à l'époque. Et il y a un chauffeur qui dit « Oh, si tu veux, moi je fais du métal, tu peux aller écouter. » Et j'écoutais, je fais « Ah, oh, j'aime bien. » Et tu sais pas me dire d'autres groupes. Et puis il m'a dit ça, et j'ai écouté. Et la magie de YouTube, t'écoutes un groupe, à droite t'as les suggestions, t'en découvres un autre. Et je me suis perdue comme ça. Et c'est parce que c'est aussi le métal, c'est un univers où... Quand tu vois les concerts et puis quand tu les vis, c'est t'es toi, il y a pas d'image, c'est génial quoi. C'est quand j'écoute du métal, il y a pas d'artifice, tu veux dire. Ouais, quand je suis dans un concert, je suis dans un autre monde. Je m'évade, c'est génial. C'est comme nous, on s'évade un petit peu. Bien sûr. Le temps de 2-3 heures, des fois un festival, on s'évade toute la journée pour y crever. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais si, c'est vrai. Voilà. Et comme on dit, et là je crois que Sylvain va me rejoindre, même le slasher, on en a tellement fait que. On voit que c'est une bonne entente. Concert, oui. On voit que c'est une bonne entente. C'est pas comme certains concerts. J'ai rien contre variétoche, rap ou quoi, où les gens, pour finir, ils. Ouais, tu m'as dépassé, je vais te mettre sur ta gueule et tout ça. Le méta, c'est quand même convivial. Faut dire la vérité. Quoi. Plus ou moins. Plus ou moins. Tout dépend de voir. Ouais, avec qui. Avec qui. Les fréquentations et ainsi de suite. Ouais. C'est un peu comme une famille. Hein. C'est... Mmh. Quand t'as des métalleux qui sont ouverts à. Ah, t'écoutes du glam, bah moi j'écoute plus du heavy metal. Mais bon, moi, c'est pas grave, pas on s'entend bien. Ça. Je vais me faire lyncher, mais bon, j'ai encore me faire des amis, chers auditeurs, auditrices. Moi, quand j'entends des gens qui critiquent n'importe quel groupe, oh, tu t'écoutes de la merde. Déjà, c'est un manque de respect vers l'artiste, tout à vers fait. Le ouais. Métal. Parce que qu'on aime, je vais mettre allez, un exemple, Metallica ou Kiss. C'est deux styles totalement ouais. Différents. C'est pas oui. Parce que... Hein, voilà. Non, moi, je suis pas... Après, bon, ça dépend des gens. Ça dépend les fréquentations, les amis, peut-être les âges, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et oui. Mais en revenant à ça, là, un peu une grosse déception pour nos compatriotes français, Gojira, oui. Qui n'ont pas eu un Grammy Award. Malheureusement. Bah bon, c'est Metallica qui a eu, qui a raflé un Grammy. Et là, encore une fois, ça rejoint un petit pardon peu. Hier, c'était les Grammy Awards oui. Aux États-Unis. Ouais. Gojira était positionné pour avoir un Grammy. Malheureusement, ils n'en ont pas eu un. C'est Metallica qui a raflé. Ils ont même fait une prestation avec Lady Gaga oui, au chant. Bah c'est ouais. Megadeth. Megadeth aussi qui a eu. Mais oui, Megadeth et qu'ils ont fait une belle boulette. Non, je sais pas la boulette. Non. Je sais pas la boulette qu'ils ont d'accord. Fait. Attention, c'est mon groupe. Non, c'est pas Megadeth qui a fait la boulette. Megadeth a eu son Grammy. Et ils ont mis une musique de Metallica. D'accord. Ah ouais. Bon, ça a dû faire plaisir à Per Mustaine. À Per Mustaine, ouais. ça a dû mais faire plaisir à Per Mustaine. Le connaissant, waouh. Wow. Ça a été à peu près. Il a joué le jeu, comme il beaucoup de gens. Dave Mustaine, des fois, il est bien retombé. Ouais, il est bien retombé parce oui. Que j'ai connu Dave Mustaine où t'osais pas l'approcher. Maintenant. Bah aussi, il y a de l'âge aussi maintenant. Ouais. Puis il est devenu respectueux aussi. Il a fait des conneries à l'époque. Mm-hmm. Il a fait des conneries comme tout le monde. Comme hein. Tout le monde, tout à fait. Tous les artistes, hein, y a pas que dans le métal aussi. Ça aussi, ça m'énerve. Style, c'est qu'on a qui... la réputation alcoolo, drogué, ceci, cela. Ouais. Je suis désolée, mais dans tous les styles de musique. C'est juste parce que on vit, on a une mauvaise image quoi. Mmh. C'est comme tu vois des amis, on me dit ah c'est vrai t'écoutes... qu'on fait fort la ouais. Fête, c'est sûr. Moi on me dit ah t'écoutes quoi comme musique, bah je suis plus rock metal. On me dit ah c'est du. Ouais voilà. Alors là oui, voilà, et alors là je m'énerve, je fais non c'est pas ça, il y a tellement de style et puis je commence à tout étaler comme ça et voilà. Ben en parlant justement de tout style, on va s'écouter Burn Clear avec Phantom Pain et l'album s'appelle Lost for Life. Franchement, une petite merveille. Là, on va passer un petit peu du côté prog du métal et après, on se retrouve tout de suite après. Fight against Thank you. Burn Clear avec le titre Phantom Pain. Pas mal hein, comme progressif ouais, comme bien, ça. Pas mal, pas mal du tout. C'est bien. Alors, Sylval. Alors, oui, ça alors, m'entoure. C'est à tout. Comme à l'école. Attention, une note sur 10, on verra bien. Bon. Non, on n'est pas ici pour noter du tout. C'était choix, c'était coup de cœur. C'est aussi pour parler des groupes qui reviennent sur le devant. Parce tout que là, fait. C'est un groupe qui revient oui. sur le devant. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est Life of Agony. Donc, il a son 5e album. C'est un groupe d'origine de Brooklyn, donc USA, mm-hmm. banlieue New York. Alors, l'album s'intitule A Place Where There's No More Pain. Un long titre, quand même. Ouais. Donc, la sortie de cet album, c'est le 28 avril. Et la maison de disques, c'est Napal Records. Ouais. Ah, Napal. On peut les remercier, d'ailleurs. Ouais. Napal, oui. ils sont géniaux. Ils produisent à chaque fois des groupes tellement. Et oui. Donc voilà, ben je vous présente Life of Agony et le titre c'est A Place Where There's No More Pain. Voilà. Ça doit être ça. Le titre, hein, c'est le titre c'est de le la chanson et le titre de l'album. Voilà, tout à fait. Juste une petite parenthèse pour les avec fans. Avec une petite chanteuse. Ah oui, c'est vrai. Caputo, Kate Caputo, mais c'est plus Kate Caputo. Qui était un homme à la base. Qui était un homme qui veut exactement, qui veut devenir une femme. Voilà, j'avais oublié de le stipuler, c'est mais bon. Un chanteur qui est devenu une chanteuse. Ben, on ne sait pas si... franchement, quand on le voit sur scène maintenant, je l'ai vu avant et maintenant, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas s'il s'est mis des implants mammaires ou pas, mais il a une poitrine, donc... Ah bah est-ce oui, c'est avec des implants. Est-ce qu'il a... Ou est-ce qu'il a fait des implants ou est-ce qu'il met un soutif, tu vois, rembourré, je ne sais pas, je ne bah lui ai pas demandé. Normalement, quand tu changes, ouais, c'est quand ça. Quand il est arrivé dans le groupe, il était homme à la base. Il était homme, oui. Ouais, c'est un chanteur qui est devenu une chanteuse. Hein. Oui, voilà. Mais ouais. vraiment maquillé, avec le petit string qui dépasse. Tu l'avais vu, toi, je l'ai vu au Hellfest, je l'ai vu à l'Alcatraz Festival, je l'ai vu à l'époque avec l'album Ugly, donc ici au Trix à Anvers, où là il était en tant que mec, où il s'est pris des mains sur la tronche parce qu'il était carrément défoncé de chez défoncé. Et puis après, il est revenu comme ça. Et le changement, d'ailleurs, on peut même plus l'appeler Kate Caputo. Il y a un nom, on va essayer de retrouver son nom maintenant. Son nom d'artiste, c'est plus Kate Caputo, c'est vraiment. Mais c'est un showman, il joue vraiment son rôle. Et s'il veut, c'est son choix, hein, s'il veut devenir une demoiselle ou quoi. Ah bah c'est sûr, hein, faut respecter les choix des gens. Il voilà. faut pas oublier qu'on est quand même en 2017. Mmh. Et ce qui est bien, avoir un peu une ouverture d'esprit. Et ce qui est bien, c'est que ses membres du groupe ne l'ont pas lâché. Justement, on peut dire, enfin, pour lui, c'est un choix. Pour d'autres, c'est de la folie. Mais ils n'ont pas lâché en disant, bah, écoute, vis ta vie, fais ta live. Et puis voilà, quoi, c'est bien, l'ont gardé. Quoi. Voilà, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est le groupe Life of Agony avec le titre A Place Where There's No More Pain. Voilà le nom, donc c'est Mina Caputo. Voilà, maintenant c'est Mina. On l'appelle Mina. C'est plus bon, Kate, bon, c'est bon. Mina. Allez, on va jouer Mina Caputo. Where there's no pain, come on. Eh ben. Eh ben voilà, donc. Bon choix. Bon choix, hein, mmh. Ça bouge bien, tout. Bon album. Ah oui, tout à fait. Donc sorti en avril. Voilà. Voilà, ben, on n'a plus qu'à attendre. Deux mois. Ouais, voilà, bon, ça va aller vite. Ça va aller vite. Oh oui, ça va et aller. Normalement, une tournée normalement est prévue pour je pense, en général, Life of Agony. Sortie d'album, enfin, pas toujours. Ouais, mais là, je crois qu'ils vont faire des festivals aussi, donc allez les voir, ça vaut vraiment, vraiment le coup. En plus, ils jouent vraiment, comme je dis, là, les photos et tout ça, ils se prêtent vraiment au jeu. Quoi. Ouais. Alors, donc, c'était Life of Agony avec le titre... A Place Where There's No More Pain, qui est exactement aussi le même titre que l'album. Voilà. Le prochain qu'on va s'écouter... Kathleen, elle voulait pas dire quelque chose ? Non, j'ai eu un... Je pensais. Parce que... des spasmes. C'est des spasmes, c'est musical. Quand on est nerveux, musique, tu vois. Voilà. Bah justement, en vous parlant de musique, parce que je sais que nous, on a rencontré Kathleen au concert de Steel Panther, hein, oui. Qui avait demandé « Vous pouvez me faire une photo, s'il vous plaît ?» Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on fait toujours des connaissances dans des concerts. Ouais. Hein. C'est vrai. Et... moi, à deux concerts que j'ai fait, je me suis fait deux amis, et deux concerts différents. Et bah, toutes les deux, elles s'appellent Mathilde. Ouais. Moi, c'est un signe. Je sais pas. C'est un signe, c'est un signe. Bah, ouais. Moi, j'ai plein de Steve, moi, dans mes amis maintenant. Ouais, mais ouais, on a Steve Vai, donc c'est le principal. Oui, aussi, j'ai dans mes amis aussi. Steve Urkel ? Non. Ouais. Non, je sais pas ça. Je suis désolée. Alors là, je vais vous faire découvrir, et c'est grâce un peu au slasher, je lui ai dit, ben, contacte ce groupe. Moi, je connais qu'un titre de ce groupe, il les a contactés. Et ce groupe, Sister Dolls, ont envoyé leur galette, ça nous vient d'Australie. D'accord. C'est tout frais, c'est même pas encore sorti. Si, c'est sorti. C'est sorti en 2017. Si c'est eux sur la pochette. Ben, c'est eux sur la pochette, donc je sais bien que les deux fans de Steel Panther. Voilà, les deux fans de Steel Panther vont adorer. Puis même, ça fait un look un peu à la Mötley. Avec le chapeau et tout, on dirait Tommy Lee. Voilà. De loin. Tu verras après, tu verras. Musicalement, on a écouté cet album tout à l'heure, cet après-midi. Je suis resté sur le cul. Il n'y a aucune chanson à jeter. Il n'y a aucune chanson à jeter sur cet album. Il y a même une chanson. Australien en général, c'est bon. C'est très très bon. Le slasher va essayer de les recontacter pour pouvoir recevoir leur premier album. Ça, c'est le deuxième. Le slasher veut peut-être dire un mot parce qu'il a un peu étudié le groupe. Donc, ils ont trois clips à leur actif. Deux de leur ancien album. Un qu'ils ont fait qui est sorti il y a quelques temps, il y a un mois ou deux. Et ils ont fait justement, ils sont passés dans The Australian Great Talent. Donc, l'Australie a un incroyable talent. Donc, ils ont été dans le top 5 des finalistes. Et franchement, ça déménageait bien. Voilà, c'est ce qu'on ils sont passés dans plusieurs émissions TV aussi. C'est ce qu'on peut reprocher un petit peu l'incroyable talent, entre guillemets, je ne vais pas dire français, belge ou quoi. C'est que là, on met un peu toutes sortes de musique et ils sont plus rock'n'roll que chez nous. Voilà, et là, on va vous jouer Moon and Back et vous me direz ce que vous en pensez. C'est une véritable... Ah, je mords d'impatience. Depuis le temps qu'il me parle de ce groupe, Connor, je mords d'impatience. Eh ben, tu vas voir. Vous allez voir. Hello, my sunshine. I'm feeling like the winter. Caught and alone when I'm missing my Voilà, donc comme on dit, c'est le menu découverte. Hein. Là, c'était les Sister Dolls, avec l'album qui s'appelle On Don't Let It Up, et c'était le titre, tout simplement, Moon in Back. Ben voilà, hein, c'est un menu découverte Ben écoute, moi j'ai bien le manger tous les jours, ce menu. Oui, hein, on prend pas du poids. On risque peut-être d'en perdre, même, en bougeant dessus. En bougeant dessus. Si on aurait rien d'en faire tous les jours comme ça... C'est marrant parce que j'ai posé la question à Kathleen un petit peu comme ça, pas par indiscrétion, mais tout simplement pourquoi est-ce qu'elle aimait bien Rives d'Enfer, elle est là, et elle peut aussi y répondre, pour ne pas que je réponde pour elle, c'est pas mal de savoir ce qui l'attire dans Rives d'Enfer. Bah c'est toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, bon, mais là je vais afficher mes photos, non, allez, je rigole. Allez. Non, moi, ce que j'aime beaucoup à l'émission, c'est la découverte. Parce que malgré que, comme je disais tout à l'heure, il y a YouTube, que ça propose des chansons par rapport à ce que t'écoutes. Mais allez, ici c'est beaucoup plus varié. C'est pas comme YouTube, et j'aime bien pour la variété. Et c'est aussi pour le côté un peu patriote, assez moucron, voilà. Mais c'est surtout pour la variété, parce que c'est tout le temps des choses différentes. Et à un moment, je me suis rendu compte que malgré que j'étais sur YouTube et tout, j'écoutais tout le temps la même chose. Enfin, je restais dans une bulle, et être ouvert comme ça, c'est tellement mieux. Je peux parler de plus de choses. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que je rejoins aussi nos amis Quantilien. Donc Yannick et Agnès aussi. Yannick, ouais. Qui dit aussi que c'est pareil, ils aiment bien parce qu'ils découvrent des choses et c'est varié. On passe de l'agressif, comme on passe du power, de tout. Et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on se casse les méninges et le cul pour exactement. Essayer pas tout le temps jouer la même chose. Parce que pour on faire a toujours. Plaisir un peu à tout le monde ouais. aussi. Hein. Parce qu'on a toujours nos coups de cœur. Moi, je sais bien que Sylvain, elle aime bien Zach Wilde, Vai, Motley Crue. Je suis un peu plus rock. Moi, elle est plus rock. Donc voilà, mais on se fait plaisir, mais on essaie aussi de faire plaisir à tout le monde en disant bah voilà, si j'aime un peu moins ça, je vais quand même essayer d'en jouer. Bien quoi. Sûr. Voilà, et ça c'est un peu la signature de l'équipe de Rive d'Enfer. Exactement. Juste, c'est sûr. Ouais, justement, en parlant de ça, avant de retrouver la Slasher Song, on va s'écouter un autre titre. Le groupe s'appelle Gothic Remain. Ça nous vient de Roumanie. Et l'album s'appelle Demon. Et on va s'écouter le groupe Gothic Remain avec le titre Demon. Et on se retrouve tout de suite après. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Slasher? Non, j'aimais le Demon. Et là, c'est le canari qui va te siffler. comme on dit, waouh, Gothic Remain avec Demon. Voilà des petits roumains qui méritent aussi. Ouais, ça mérite en ça. Ouais, c'est... Exactement. Et n'empêche, le début, quand j'ai bien analysé, ça m'a fait penser à la chanson Blade de Meshuga. Ah ouais, c'est syncope et tout ça. Moi, j'aime bien. Oui, oui. Et surtout le truc qu'ils font beaucoup dans le djent à la guitare. Voilà. Alors, il est l'heure de passer. Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure. Il est l'heure de passer à la Slasher Song. Et tu nous as choisi quoi, Slasher, aujourd'hui? Alors, j'ai choisi un groupe, on va dire, de progressive metal, death melodic metal, on va dire. Mais beaucoup, comment on appelle ça, oriental, voilà. Donc, c'est, enfin, asiatique. C'est spécial. Donc, c'est le groupe Gror. Je ne sais pas si vous connaissez. Un groupe dijonnais, je crois. Non, qui nous vient de Pau. Pau. De Pau. Ah ouais, c'est pas loin, c'est pas la même chose. Non, je connais pas ma géographie, moi. Surtout. Moi, Pau, ça reste à Kung Fu Panda, alors. À Kung Fu Panda. C'est pas la même chose. Non. Pau, c'est près d'où, ça? Mais c'est en France. C'est... Ah oui. C'est encore une fois le Pays Basque. J'étais en plus à Pau. C'est plus en sud, quoi. Avec Rive d'Enfer. Aussi à Pau de parachutiste. Bonjour les paras. C'est ouais, donc c'est. C'est dans les Pyrénées, mais pas du côté de Hendaye et tout ça, de l'autre côté. Pyrénées orientales, alors, ouais, peut-être. Voilà, c'est ça. Okay. Côté basque, voilà. Où on porte le béret. Exactement. Voilà. Alors. Donc, dans les membres, il y a Bertrand Noël, qui s'écrit comme Noël, tiens. Donc, à la guitare et au chant. Gaël, voilà, à la guitare. Yann Estogoy à la basse, Julien Guelfo au clavier et Jérémy Chabot à la batterie. Donc tout simplement leur particularité, c'est que ils font des sessions d'instruments spécifiques à l'Asie, des instruments orientaux, cornemuses, etc. Et c'est ça que j'adore, tout en mêlant un peu le style un peu djent, technique, donc ça j'adore. Donc là on va s'écouter la 7e chanson de la partie 3 qui s'appelle Expansion et c'est le titre Religion. Voilà, c'est parti. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer et là on va s'écouter ma Slasher Song. We'll be right back. Belgium. J'ai l'impression de me prendre dans les montagnes du Tibet, là. Oui. Je suis dans les montagnes du Tibet. Voyage ouais. Australie, voilà. Tibet. Ouais. J'avais vraiment été scotché avec cet album de Gror, quand même. Voilà. Voilà, donc le prochain titre qu'on va s'écouter, donc, c'est quoi, Sylvain? Alors oui, je suis perdue, moi, dans mes papiers et tout, tu vois. Là, ce que c'est de communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Voilà. Donc, il me semble que c'est Lion Cage. Oui. Donc, c'est un groupe rock qui vient d'Allemagne. Voilà. Une bonne découverte encore. Et oui, une bonne... Donc, c'est un groupe qui se lance. Mmh. Et ben oui, je vous invite à écouter cette découverte. Donc, c'est Lion Cage. Et le titre, c'est Mysterious Angel. Et après, si tu veux, on jouera ta Sylva 5. Tout à fait. Voilà, et après, on retrouvera encore Sylval pour sa Sylval Song. Voilà. Mysterious. C'était Lion Cage avec Mysterious Angel. Et tiens, je vais répondre à une question, justement. Donc, y a Phil, donc Phil PKNS Neuville, qui dit cette chanson qui passe en ce moment, c'est mon coup de cœur, c'est Lion Cage. Voilà. C'est ce que Sylvain vient de dire. Oui. Mais moi, j'en profite aussi parce que justement, il vient nous envoyer un petit message. Donc, Phil, et on fait un petit coucou du côté de Charleroi. On nous écoute aussi du côté de Charleroi. Et il dit aujourd'hui, on voyage beaucoup dans les années 90 avec un peu du Trickster, Mr. Big, et tout ça. Et voilà, et on va essayer de vous faire plaisir un maximum aujourd'hui. Et on rappelle aussi, on a une petite invitée, Kathleen, qui est là pour parler de temps en temps de choses et d'autres. Et on la remercie. De sa passion. De sa passion pour la musique. C'est bien. Voilà. Et voilà. Alors, on retrouve la Sylvain 5 plus tôt que prévu, voilà, et oui, c'est un choix. Voilà, on n'a pas d'heure, on n'a pas de timing. Voilà. Alors, moi, je vais vous présenter un groupe suisse hard rock qui s'intitule Cyburn. Oh, je ne connais pas. Eh oui, bah oui. Un groupe que Connor ne connaît pas. Alors, Cyburn, bah, ils ont fait des premières parties de très gros groupe. Oui. Oui. Dont AC/DC, Rose Tattoo, ZZ Top, Clocus, Saxon. Et ils ont fait Motorhead, Dolo et Kiss. Mm-hmm. Eh oui. Et ça, la patate. Ils ont fait aussi une partie de la bande originale de X-Men, si je me souviens bien. C'est ça. Exactement. Je pense qu'ils ne connaissaient pas. Oui, exactement. Donc, c'est un groupe qui est composé au chant de Roland. Guitare Lawrence, Michael guitare, Nick à la basse, Lionel batteur. Lionel qui est super sympa. Ah, ils sont tous sympathiques. Oui, ouais. Tous. Un petit message perso à Lawrence. J'espère que tes serpents vont bien. Ça bien. Elle a dit tes serpents, c'est bien. Ouais, parce que c'est un fanat de serpents. Mmh. Et moi, comme j'aime bien aussi tout ce qui est serpent, je suis un petit peu comment ils vont, leur évolution. Alice Cooper, c'est ça, non ? Mais écoute, je sais pas. Là, je vais bientôt le voir parce que bonne nouvelle, ils vont passer, ça j'en suis sûr. Oui, mmh. Au Locker. Et l'album, il arrive quand ? Bah non. Non, mais. Non, mais c'est parce qu'il parle d'Alice Cooper, il se mélange. Moi je parle de Cyburn, là, je ne parle pas d'Alice Cooper. Ah oui, ils vont sûrement venir dans le Nord. Ils vont faire une tournée dans le Nord, j'en suis sûr. Qu'ils vont faire un petit coucou. C'est obligé, ils peuvent pas nous oublier comme ça. Et l'album, il arrive quand ? L'album, normalement, il sort au mois d'avril si tout va bien. Voilà. Pour les packs, tout va bien, quoi. Voilà. On peut les mettre dans on verra bien. De toute façon, ça, je vous tiendrai au courant. Mmh. Et certainement qu'on aura une nouveauté d'un titre à envoyer sur l'émission Rive d'Enfer. Je l'espère. Et voilà. Et donc, on pourra mettre sur le sapin de Pâques en cadeau, hein, le nouveau segment. Exactement, voilà. Tout à fait. Pourquoi faire un sapin de Noël ? On peut faire des sapins de Pâques quand même. Hein. Tout à fait. Noël en juillet. Exactement, voilà. Alors, je te laisse annoncer. Je répète, le groupe Cyburn avec le titre By the Bullet. C'est parti. All aboard! Yes, yes. Whoa! She's beautiful! And she looks wild! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Inside. Donc c'était Cyburn avec By the Bullet. Ah. Alors je tiens à informer aussi, je tiens le fan club français Cyburn. Voilà. Voilà. Et si vous voulez des renseignements, ben, vous allez chercher voilà, Sylval sur la page Rive d'Enfer et voilà. Vous tombez dessus et vous la pécho entre bon mais de entre toute façon, c'est simple, ils tapent Cyburn, donc ils ont voilà. la page officielle de Cyburn et la page Cyburn France. Voilà, voilà. Nous, on les avait vus il y a un peu plus d'un an hein, maintenant. Ça fait où nous ça va à peu près un an. À peu près un an. C'était Bully les Rock. Ouais, oui, c'est ça. Ça. Ouais, avec Chakra en chaque il faisait et la première Zodiac. Partie et Zodiac. Il y avait Zodiac, c'est fini, Chakra. Le groupe Zodiac. Hein? Je suis désolée de te l'annoncer. C'est fini. Dommage parce que putain ah bah ça joue. Aussi, hein, ouais, mais bon. Ça joue. Enfin, ils vont à mon avis tous se reformer un petit peu partout et voilà. Enfin, on les a quand même vus avant que ça ait terminé. C'est deux bien. Trois fois, on les avait, je crois. Voilà. Alors. Moi, je voudrais bien vous parler d'un Blu-ray qui est sorti vendredi, qui s'appelle tout simplement And There Will Be a Next Time Live in Detroit. Il s'agit de Def Leppard, le nouvel album, parce qu'on peut dire aussi un nouvel album live, ouais. Car il y a trois supports différents sur ce Def Leppard. Qu'est-ce que je veux dire sur ce groupe? Pas grand-chose. Hein. C'est un groupe faramineux. J'ai eu l'occasion de les voir. Au début de leur carrière jusqu'à malheureusement les accidents que Def Leppard a pu connaître hein. Faut savoir oui. que Rick Allen maintenant c'est le batteur qui joue qui a un bras oui. J'ai eu l'occasion de voir Def Leppard avec Rick Allen qui avait toujours ses facultés toutes ses facultés et puis après le temps qu'il se reforge une carrière plutôt un caractère parce que ça doit être dur tout de perdre fait. Un membre et de se retrouver surtout quand on est musicos et remonter sur scène donc rien à dire sur ce live, les couleurs, les images du live. À mon avis en fait c'était filmé en résolution 4K mais converti en 1080p c'est sûr et certain. Ouais. Les images sont magnifiques, les couleurs sont superbes, le seul reproche que je peux faire et ça je m'adresse à toutes les personnes qui ont vu Def Leppard depuis toujours, c'est que Joe Elliott a toujours été très peu communicatif avec son public et ça l'est toujours maintenant quoi. Rien à dire, franchement le live il est super, il comporte 17 titres et j'ai choisi de vous jouer deux titres l'un à la suite de l'autre que j'affectionne vraiment pour ce live. Moi je remercie aussi Isabelle Louis parce que maintenant oui. on travaille aussi avec Eagles Vision qui vont nous envoyer tout des lives. Tu vas, on aurait pu avoir le fameux collector de Motley Crue, mais ils n'en ont plus. Mais je l'ai. Voilà. Je l'ai acheté. Valérie. Et franchement, si vous avez l'occasion d'acheter Def Leppard, il y a trois supports. Ouais. Donc DVD. Mmh. Le DVD comporte deux CD. En plus, le CD, donc le CD, ou alors le Blu-ray, ou alors le Blu-ray collector avec les CD aussi. Franchement, le son est super. On entend très peu le public quand même, c'est un peu dommage. Il y a aussi chez Eagles qui est sorti, c'est Richie Blackmore. La bonne époque, Richie Blackmore qui se remet au rock et qui se remet plus au, ce qu'il faisait un petit peu là, traditionnellement du folk metal. Donc voilà. Non, moi je vous ai choisi donc deux titres de Def Leppard. On va s'écouter le premier qui s'appelle Switch 60-5 et après Rock of Age. Donc extrait de l'album Pyromania pour un, extrait de l'album High and Dry pour l'autre. Et on se retrouve tout de suite après, là on va enchaîner les deux titres l'un à la suite de l'autre, comme ça va nous faire un petit peu des vacances avant de retrouver la balade crapuleuse, les amis. Ben voilà, c'était donc Def Leppard. Merci à Isabelle Louis de nous faire confiance et on bosse avec eux. Oui, voilà. Et à Eagle Vision. Et ben c'est Eagle Vision, avec le titre donc Switch et après Rock of Edge. Un petit commentaire qu'on a de Phil qui nous dit, et là il a raison, que c'est un batteur de génie et surtout un batteur de grand courage. Quel courage. De remonter sur scène et de travailler. Quel travail, travailler, qu'il y a dû avoir. Travailler pour travailler qu'un bras pour et tout. Retrouver son niveau, son haut niveau, parce que bon. Ah, c'est un niveau. Ah oui, c'est un niveau, ça joue. Mais de toute façon, Def Leppard, c'est un groupe de haut niveau. Tout à fait. Oui. Et oui. Comme Phil dit, tous les. Phil dit, c'est une marque, mais non, je ne peux pas dire de marque. mais c'est vrai que. Et je crois que Phil est plus ou moins du même âge que moi. Et je crois qu'il a pu voir Def Leppard avant et après. Et il n'y a pas de changement, à part le son qui est une batterie plus électronique. Pourquoi ? Parce que bon, c'est plus facile pour lui quand même, ça faut deux fois connaître. Mais s'il a vu, si Phil a vu les Def Leppard avant et après, il a toujours la même rage et il faut en vouloir, quoi. Parce que Def Leppard, c'est un groupe qui a, on en parlait hors antenne, qui a eu des malheurs. Steve Clark, paix à son âme, qui a écrit la chanson Hysteria, Love Bite, deux ballades magnifiques. C'est un putain de compositeur. Le mec, bon, il avait ses petits problèmes d'alcool et voilà, il lui est arrivé malheur. Et encore une fois, le groupe s'est relevé, quoi. Ben voilà, félicitations à Def Leppard. Et Lolita qui dit qu'elle confirme que l'image et tout est superbe du DVD, du Blu-ray. Ah oui, DVD. Ben ça doit lui faire plaisir parce que c'est une très très grande fan de Def Leppard. Voilà. Alors, tu avais un petit concert annoncé ? Oui, donc moi j'ai fait un petit coup de pub là, pour la 20e convention Rock and Metal. Donc ça sera le 5 mars 2017, fatalement, à la salle des fêtes de FIM. Alors, donc, il y aura nos amis Dracard, déjà, qui seront là. Bon, il n'y a pas que Dracard, hein, il y a plusieurs groupes. Oui. Bon, moi, je connais bien Dracard, que j'aime toujours voir sur scène, et leur prestation qui est super géniale. En plus, ils prévoient un nouvel album, je crois. Tout à fait, qui va sortir dans pas longtemps. Pas si longtemps que ça. Un nouveau merch aussi au niveau des t-shirts. Moi, personnellement, j'y vais, bon, pour faire la fête, déjà, pour voir des gens, pour discuter. J'essaye de discuter. Il faut toujours. Dans le bruit, t'arrives à discuter. Normalement. Qu'est-ce que tu dis là ? Moi, j'y vais honnêtement pour un groupe aussi que j'ai très très envie de voir, qui est Dynasty. Ça me dit quelque chose. Alors, Dynasty est un cover tribute d'un très très très grand groupe de très haut niveau aussi. Et c'est que aussi. J'adore. Non. C'est Kiss. Kiss. Dynasty, c'est un album de Kiss. Ah oui. Alors je vais te dire honnêtement, le maquillage est au top. Au top ? Au top. Donc je vais dire honnêtement, j'aspire à les voir sur scène, c'est l'occasion de les voir à FIM. Bon, il y a de la trotte, mais bon, ben écoute, et je vais aller les voir quand même. C'est le 5 mars. C'est où ça ? À FIM. Donc c'est dans le département 51, c'est au-dessus de Lens. Oui. Il y a déjà une belle trotte. Hein. On avait été voir nous Gang là, je me suis dit. Moi j'y étais aussi. Il y a Gang. Le groupe c'est Gang, des habitués de FIM, Gang. Ouais. Donc l'entrée, elle n'est pas très chère, elle est de 5 euros. Oh, ça va. Alors il y a une bourse au disque aussi. Ah, ben ça, c'est chouette. Ben voilà. Ah, ben ça vaut le détour. On peut trouver des albums qu'on n'a pas. Pour 5 euros, je pense qu'on peut se déplacer quand même. Ouais. Il y a plein de bons groupes. Bon, moi là, je fais un petit coup de pub pour cette convention. Bon, je parle de Dracard, de Gang. Bon, j'ai envie de voir Dynasty, mais je vous assure qu'il y a d'autres groupes qui valent le coup. Pour 5 euros, il y a une bourse au disque, il y a tout, puis ça va faire plaisir. Puis même pour se déplacer, si on se renseigne bien, il y a des bons plans avec les nouveaux bus pas chers, les Uber, le covoiturage et ainsi de suite. Ah bah, y a combien ça de fois je cherche quelqu'un pour venir ? Donc je te dis honnêtement, il y a moyen de s'arranger. Hein. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, et donc c'était mon petit coup de ce soir, mon petit coup de pub, comme j'appelle. Et de toute façon, le coup de pub de Sylva, alors. De toute façon, on va remettre en place aussi notre agenda concert, que là, ça commence tout à revenir. Parce que là aussi, il y a un truc qui est gratuit, il me semble, c'est une soirée heavy metal. Je ne sais plus le nom du groupe, je suis désolée. C'est le 3 mars, il me semble, et ça, je vais revenir. Sur ça pour lundi prochain. Ça aussi, ça va valoir le coup, à mon avis. D'accord. D'aller faire un petit tour au Raid Studio à Douai. Ah, bah c'est pas loin. En plus, Douai, c'est une cinquantaine de kilomètres, c'est ça. Ah, bah c'est pas Clone, ça. Écoute. Non, Clone, c'était ce week-end au café, Garage Café. À Douai. À Cambrai, pardon. Ouais. Ouais. J'ai des amis qui ont enregistré au Raid Studio. Ah bah voilà, que le monde est petit quand même, on se retrouve autour de la table. C'est bien, je vais revenir lundi prochain sur le 3 mars, ce qui se passe au Red Studio, je peux revenir dans la soirée, mais bon, comme là j'ai déjà parlé de la 20e convention rock metal à FIM, le 5 mars, à 5 euros. Voilà. Eh ben voilà. Voilà. Avec une bourse au disque et ainsi de suite. Mmh. Déplacez-vous. Ouais, notez dans votre agenda si vous n'avez rien à faire. Voilà. Alors, c'était le coup de pub de Sylval. Alors, on poursuit avec la balade crapuleuse qui est décalée d'un petit quart d'heure. Et si vous connaissez bien, Michael Bolton. Michael Bolton est un chanteur, on va dire comme ça, justement, on va dire un midinette. Mais avant ça, il faut savoir que... Ça y est, nous, on a l'esprit mal tourné, donc voilà. Il faut savoir que Michael Bolton, à son époque, la première chose qu'il faisait, il faisait partie d'un groupe de hard rock, d'IOR. J'ai arrêté de le regarder. Et son groupe s'appelait Black Jack. Et après, il a décidé de quitter la scène métal pour pouvoir s'orienter justement à faire de la musique plus ou moins un peu crooner et tout ça. Mais moi, j'estime qu'il a eu quand même sa part de chanteur dans le métal à la bonne époque, on va dire. Et là, je vous ai passé. Donc, il sort un album musique de film, chansons de film. Et là, il va vous interpréter, parce que si c'est moi qui chante, ça va être grave. Michael Bolton avec What's a Man Love a Woman. C'est de Michael Bolton, bien entendu. Avant, il faisait partie de Black Jack. Allez voir et vous verrez que c'est un... Il a fait du hard à la bonne époque. His mind on nothing else. He'd trade the world for the good thing he's found. If she's bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he puts her down. To what he needs, he gave up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way, baby, that's the way it ought to be. Oh, How the Man Loved the Woman, original de Percy Sledge. Hein. Alors non, Phil, ce n'est pas chez V-Record, mais c'est chez Frontier Record. Ouais. Voilà, donc je t'ai donné un petit coup de pouce. Ben, ça va sortir incessamment sous peu. Voilà, c'était la balade crapuleuse. Belle balade. Hein. Belle balade. Ouais. Moi, c'est vrai que Michael Bolton, il a un timbre de voix. Et franchement, tous ces albums qu'il a fait, on aime ou on n'aime pas, mais c'est bien et ça change un peu. Et c'est aussi dans Rive d'Enfer. Ce que je vais faire, je vais vous proposer, moi, tout simplement... Vas-y, propose. Je propose, non. Je suis à votre disposition. Non, vous allez pouvoir remporter, j'ai... Un petit jeu concours pour remporter des singles de Stop. Stop, donc un groupe espagnol. Oui, les potos de Stop Stop, ah bah, franchement, ils ont joué au Whisky à Gogo, ils ont 3 albums à leur actif, donc... Et qui sont un peu dans le même esprit que... Bah, Motley Crue. Et puis Steel Panther. Voilà. De Steel Panther. Donc, pour remporter les singles, c'est tout simple. Eh bien, moi, la question que je vais tout simplement vous poser, eh bien, je ne sais même pas, je vais l'improviser. Non, la question que je vais vous poser, tout simplement... C'est une question sur Def Leppard, ça, peut-être. Oui, voilà, justement. Excuse-moi, c'est ton jeu. Non. Oh, c'est, Valérie, c'est les manies. Tu l'as perdu, donc... Citez-moi, tout simplement, l'ancien guitariste de Def Leppard qui nous a quittés et vous pourrez remporter, donc... Le single de Stomp Top. Donc on peut me contacter aussi sur mon Facebook privé, sur, Facebook, sur la page Rive d'Enfer, n'importe où du moment qu'on l'a, quoi, en message. Oui, alors nous, une petite nouveauté, on va passer sur Defiancency avec Uncharted Waters. L'album s'appelle The Door of Consciousness, c'est pas mal du tout, c'est tout frais, c'est tout chaud. Mais juste avant, moi j'ai un petit message à vous faire passer, j'aime bien te faire passer des petits messages, et ça fait super plaisir. Vas-y, à boule. Oui, j'ai envie de faire, j'ai envie. Eh, hey, c'est Rive d'Enfer, c'est Marcus et Spencer du Fernando Rock Show sur 95 FM, à toi Spencer. Pardon, moi je suis trop vieux pour dire des trucs pareils, c'est Rive d'Enfer 95 FM, yeah. Hello, this is a nameless school. Listening Riff d'Enfer on RQC 95 FM with the Scream. Eh ben, une véritable tuerie. J'adore ce titre hein, et ce groupe Defiance avec Uncharted Waters. Mais franchement, pas mal. Ça bouge bien, ça. Ouais. Je te laisse annoncer nos gagnants. Donc, en gagnant, on a Yannick et Phil. Voilà, des fidèles. Des fidèles, voilà. Ils ont empoté. Ils ont empoté le CD de Stomp. Ils ont empoté le CD de Stomp. Donc, félicitations à Yannick et Phil. Voilà, c'est du bon glam, ça, vous verrez. Et franchement, Jacob ouais, qui c'est est. C'est pas mal. Ah, Jacob, mon petit copain. Donc, je te dis bonjour, vu que là, t'es connecté. Donc, peut-être que tu nous regardes. Voilà, voilà Jacob qui est le bassiste-chanteur de Stomp Top. Et c'est vraiment le même esprit que. Et c'est un groupe. Espagnol. Ouais. Parle français, ça va Non, Slasher, il est en rapport en anglais avec eux. Il y en a un qui habite en Angleterre. Donc c'est Jacob. Non, ils habitent tous en Angleterre. Jacob, donc on peut lui dire « Hola, hola, Jacob ». Hola, Jacob. Voilà. Et franchement, c'est un groupe espagnol qui tourne quand même au Whisky à Gogo et tout ça. Ben, c'est super quoi, de pouvoir percer à Los Angeles et tourner. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent encore se permettre ça à l'heure actuelle. Quoi. Mmh. Alors, Kathleen, tu n'es pas là pour comme ça hein. Je suis une plante. Non, tu n'es pas une plante. les concerts, généralement, pourquoi aimes-tu aller en concert ? Il y en a qui aiment bien pour dire s'afficher, d'autres pour jouer les rôles de groupie, d'autres pour dire j'ai été voir ce concert-là, pour dire j'ai été voir ce concert-là, d'autres pour s'amuser, faire la brinque ou tout simplement pour prendre 2 heures de bon découvrir. Temps ou découvrir. Des fois, moi, j'ai déjà été. Ouais. Pardon, vas-y. Valérie, c'est moi l'invité. Hein, bon. Non, moi, j'aime bien les concerts. Des fois, si je vais plus en découverte, si j'en garde, si c'est pas trop cher non plus, je vais pas aller en découverte, à un concert où le ticket, il y a 200 euros. Faut pas déconner non plus. Mmh. Sauf si c'est un festival. Là, il y a plusieurs groupes, donc ça passe. Mais sinon, moi, si je vais plutôt dans les concerts, c'est pour voir... Allez, je vais ressortir l'adolescente pour voir mes groupes préférés en live. Ouh là là. Mmh. Mais sinon, c'est aussi pour l'ambiance qu'il y a dans la salle. On est tous ensemble, réunis au même endroit pour une même chose. On est dans le même état d'esprit. Allez, avoir dans une salle plus de 5000 personnes dans le même état d'esprit, c'est... Et aussi, c'est pour me faire des connaissances, pour me faire des amis. C'est... Tout à fait. Mmh. Parce que moi, le dernier concert que j'ai fait, c'était celui de Steel Panther. Mmh. J'ai été là-bas tout seul. Je me suis fait des amis, donc je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déjà rencontré. Voilà. Oui. Et oui, ben c'est bien. Et toi, Sylval ? Bah moi, c'est souvent aussi pour faire des découvertes. J'avoue, garde comme Cyborn, je ne connaissais pas. Mm-hmm. Et je m'en souviens, on avait l'interview et tout ça. Et malheureusement, je n'avais pas eu trop le temps parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois, on est occupé dans des traductions ou autres, ou des live reports de retard. Mm-hmm. Donc, je n'avais pas eu le temps de me documenter, malheureusement. Et ça fait que dès que le premier morceau il est passé, je dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est de cette tuerie ?» quoi, voilà. Après, on a d'autres groupes après qu'on est plus déçus, qu'on se dit « Bof ». Ouais. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, tout comme à fait. Je dis toujours. Hein. Et puis après, c'est sûr, pour faire des connaissances, hein, tout à fait. Mm-hmm. Aussi, je suis tout à fait d'accord. Et toi, Slasher ? De quoi ? Bah oui, lui, il est sur la planète Slash. Les concerts, pourquoi t'aimes bien d'aller pourquoi en concert ? Pourquoi d'aller au concert ? À part chiner auprès des artistes comme tu fais. Moi ? Ouais. Moi ? Moi ? Donc, j'y vais tout simplement pour la convivialité, voir des groupes, découvrir des groupes, voir des groupes qui sont super bien, faire la fête, rencontrer les artistes pour tout simplement parler avec eux, donner des impressions et s'éclater tout simplement. Voilà. Mm-hmm. Et ben, c'est. Et toi ? Moi ? Moi, c'est encore différent parce que, comme j'expliquais, quand on en a fait énormément, on devient un peu plus sélectif pour aller voir un concert. Tout à fait. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, des fois, tu me dis, il faudrait des fois tirer un peu plus pour aller voir un concert. Parce que c'est pas une question que j'ai envie de bouger ou pas bouger. C'est. Bon, j'en ai tellement vu que. Ouais, voilà, je vais vraiment me déplacer pour un groupe que j'ai envie vraiment de voir, quoi. Voilà, et peut-être que des fois, je passe à côté de certains groupes. Ça, je leur dis ce qu'on vient pas. Mais à l'époque, Dieu seul sait que, aussi bien en Belgique qu'en France, il y avait énormément de concerts, même de hard, de rock, ou de hard et de rock, et de hard rock, même de heavy. Des fois, on partait sur une semaine de 7 jours, on partait 5 jours en concert, le lundi, le mardi, peut-être le mercredi, c'était stand-by, on est reparti le jeudi, le vendredi, le samedi, et on se demandait à la fin quel groupe on avait vu le jour avant. Donc, tout à fait. Donc maintenant, je deviens un peu plus sélectif quand même. Bon, quoi, mais... fait un petit marathon comme ça avec Udo et Steve Panther. Voilà, déjà c'est, sur une semaine, on avait déjà fait 3 concerts et on le sent un peu dans les pattes, donc on devient un peu plus sélectif. Mais c'est vrai que des fois, je passe à côté de certains groupes et c'est à mon désavantage, mais voilà. C'est... Oui, c'est à ton désavantage. Oui, c'est sûr et certain, hein, j'en suis sûr. Mais maintenant, comme je dis, par contre, il y a des groupes que ça ne me dérangerait pas d'aller voir 4-5 fois d'affilée, quoi. Ça, c'est sûr. Allez, on va s'écouter. D'ailleurs, quand on rate des concerts et tout ça et qu'on se meurt parce qu'on a raté un concert, ben, le phénix en nous, il renaît. Et là, on va s'écouter le groupe The Phonics avec My Turn to Deal, extrait de l'album éponyme de ce groupe. Franchement, c'est encore une bonne petite découverte ici dans Rive d'Enfer. The Phonics avec le titre My Turn to Deal. Ça tape bien, ça. Ça tape bien, hein, ça bouge bien. Hein. Mmh. Ça me fait un peu penser dans l'esprit un peu The Phantom Blue, si vous vous souvenez. Ah oui, Phantom Blue, que j'avais déjà passé, je crois. Encore une fois, un groupe qui a arrêté parce qu'il y a une personne qui est décédée dans le groupe, hein, The Phantom Blue. Et oui, voilà, on va arrêter de parler des personnes qui nous quittent comme ça, quoi. Oh, ça commence à bien faire. Hein. Alors, toi, Sylvain. Alors, moi, je vais vous parler d'un groupe qui est bien connu, c'est les Choir Boys. Ah. Ouais. Tu connais ? Ça ne me dit pas grand-chose. Mmh. Tu devrais bien aimer. Ah, c'est sûr. Que je vois dans tes goûts, tu devrais bien aimer. Donc, c'est un groupe hard rock anglais. Donc, il est né au milieu des années 80. Là, c'est le cas de le dire, plein années 80. Son timbre de voix, il a été influencé aussi par Rod Stewart. Ah. Tu veux bien donner ça. Ouais. Non. Et... qui est-ce qui a recruté ce groupe ? Je vais pas le dire parce que je crois savoir, moi. Tu peux, hein ? C'est l'époque Motley, tout ça, hein, donc ouais. Voilà. Qui est-ce qui a recruté le groupe ? Je crois que c'est un monsieur qui mettait du maquillage sur tous ses yeux. Nicky Six ? Des membres de... De Motley Crue ? De Motley Crue, je crois. Pas du tout, c'est maman. C'est Sharon... Sharon Osbourne ! Oui. Ah, tu me dis c'est maman. C'est, non, attendez, ne vous tracassez pas, ne venez pas à la porte, Sylvain ne va pas vous signer des autographes pour dire « je suis, ma mère c'est Sharon Osbourne ». Non, hein. c'est, voilà, et papa c'est Ozzy. Voilà. Alors, donc c'est Sharon Osbourne qui a repéré le groupe, et malheureusement le groupe y était un peu cassé par la vague crunch. Voilà. Donc tu viens, voilà pourquoi Slasher tu ne passeras jamais de... Non, j'ai dit ça pour plaisanter, vu que lui, à chaque fois qu'on lui dit Muse... Non, pas Muse, Nirvana. Quand même, ou Nirvana, il se met dans un abri anti-nucléaire et il fait rien pendant... Ouais, parce qu'ils ont cassé énormément. Enfin, c'est pas eux, attention, c'est pas eux, ils ont fait leur musique, c'est tout. Oui, ils ont développé le grunge. Ouais. Donc, The Choir Boys, en fin de compte, ils sont super sympas. Hein. Ah oui, on les a vus. Ouais, au Rainfest, ils étaient. Oui, on les a vus encore une fois aussi, pour Hellfest justement aussi. Ouais, moi j'ai vu... On s'est très bien entendu avec le chanteur même. Au Rem et à Roselar. Rosselard. Ouais. Toi, tu les avais à Rosselard. Ouais. Nous, on les a vus au REM et on les a vus au Hellfest. Ouais. Donc, super sympa. Hein. Ouais. Vachement accessible. Par contre, il n'a toujours pas changé, le chanteur. Boire et... Il aime bien. Ouais, il aime bien se balader aussi. Ah oui. C'est puis, il y a un super beau look aussi. J'aime bien son look. c'est le look que j'aime bien aussi, moi. Voilà. Et je regarde tout, moi, dans les groupes, l'habillement, tout. Ça, c'est un truc... Le repérage de Valérie. Truc, ouais. C'est pour ça que tout le monde me dit toujours, oui, toi, t'aimes bien le glam. C'est pas que j'aime tant que ça, le glam, c'est l'habillement. C'est ça que j'aime aussi, c'est le style. C'est... Ouais. Il mélange le fluo, le côté léopard et tout ça, voilà. C'est génial. Quoi. J'adore ça, moi. Le côté bandana et tout ça. J'aime bien. Bon, attention, j'aime bien aussi du glam, hein. Ça, je vais pas le cacher. Ouais, mais moi aussi, j'aime bien le glam. C'était notre époque, et je trouve que aussi. Même en s'habillant glam, on était quand même, j'ai rien contre, on était quand même plus présentable que maintenant quand on voit certains métalleux avec des pantalons qui tiennent tout seuls et qui marchent tout seuls. Parce que bon, on peut aimer le glam, mais généralement, quand on est glam, généralement, nos futs sont propres, nos vêtements sont propres. Bah ça, on a encore une fois la mauvaise réputation métalleux. Ça, c'est la mauvaise image qui rejette. En plus, les cheveux gras, le pantalon métalleux, sale. Crasseux, ça rime. Hein. Ouais. On nous dit toujours ça. Moi, ça, ah, ça, je déteste. À mon téléphone, à mon travail, quand on me dit « t'écoutes quoi comme musique ?» je dis « j'écoute du hard rock, plus... » Parce que je dis hard rock, rock, parce que j'ai peur que, voilà, je vais encore avoir le droit... ou satanique, ça j'ai eu. Et dernièrement, j'ai eu le droit... Ah ouais, métalleux crasseux. Mm-hmm. Ça m'énerve. On tient à rassurer tout le monde, nous savons ce qu'est une douche. Voilà, c'est vrai, tu as raison. Tu vois ça, l'étiquette... L'étiquette aussi, qu'on est ivre-mort au concert, comment tu tout fais pour fait. Reprendre ta voiture? T'es bourré, alors tu te fais des rails et tout. Mais arrêtez, ça me... Ça me saoule, moi, ça. Mais il devrait venir une fois nous voir Rive d'Enfer dans un concert, et il verrait qu'on... Carbure aux boissons. Les chanteurs et ainsi de suite ne sont pas tous saouls. Tout à fait. Des fois aussi, ils prennent un peu plus d'alcool pour oser monter sur scène, parce qu'il y a toujours de la timidité quelque part. Hein. Tout à fait. Il y en a, ils l'auront toujours. Hein. Voilà. De toute façon, je prends l'exemple de... C'est pas toujours évident de se retrouver devant un stade. Hein. Ouais. Va prendre l'exemple de Jonathan Davis. Je prends l'exemple tout simple du chanteur français Raphaël, qui lui doit prendre ses 2-3 bières avant de monter sur scène. Pourtant, il chante de la variété française. Donc voilà. C'est impressionnant quand on est sur scène. Moi, je l'ai fait une fois avec Stivaille et Dieu merci, j'ai pas chanté. 2-3 fois, moi. Mais c'est impressionnant. Déjà, tu te... Je sais pas, c'est impressionnant. T'as déjà les gens qui te Qui te regardent, qui te matent. Mmh. Donc voilà, tu dis, oula, ici, je me mets à leur place, ça doit pas être évident. Et en parlant... Que tu sois batteur, bassiste, guitariste, hein, ça doit pas être évident. Tout à fait. Oui, et alors... en parlant justement de vêtements glam et tout, Valérie se fabrique un peu des petits vêtements glam. Exactement. Et Michael Starr a validé son pantalon. Avant ça, oui, je l'ai vu. Ça, c'est... À Michael Starr, il n'en venait pas du pantalon que j'ai confectionné. Alors là, j'ai eu du succès avec ce pantalon, je l'avoue. Alors, on va s'écouter. Ouais, donc, on revient à nos moutons. Mais... donc, c'est The Choir Boys avec le titre Killing Time. Voilà, et l'album s'appelle Twisted Love. Merci. Ouais, oui. Voilà, c'est parti. Can't help but keep on thinking, what the hell? Voilà. Et oui, donc c'était The Choir Boys avec le titre Killing Time. Qu'est-ce que t'en as pensé alors, Kathleen? Ah bah écoute, j'ai bien aimé. C'était c'est pas mal, hein? Ouais, non, c'était un. Allez, je peux dire que c'est. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots. C'était pas criard, mais la voix n'était pas très aiguë non plus. Et ouais, j'étais assez ravie de cette découverte. Mm-hmm. Ouais, c'est bien. Hein? Ouais. Je fais une dernière petite annonce aussi qui peut être peut-être importante aussi. Mm-hmm. Je suis dans mes annonces ce soir. Cherche Valentin. Le retour de pub de Valérie. Le retour pub. Retour pub de Valérie. Donc c'est le Ch'ti Rock Festival qui aura lieu le samedi 25 février 2017. Donc c'est le Tremplin de Rennes Fest 2017. Salle Jacques Brel, Cité 5, rue de la Gaillette. À Barlin, pas Berlin, Barlin. Barlin, donc c'est pas et loin. Pas Berlin. C'est une soixantaine de kilomètres, quoi. Donc l'ouverture des portes, elle se fait à 15h. L'entrée, elle est de 7 euros. 7 et euros pas... pour c'est... être heureux. Oui. <Ouais. rire> Qu'est-ce que je vais en sortir en ce moment? Donc, on sera 7 heureux là-bas. Ouais. Voilà. Non, essayez d'être un peu plus que 7 quand même. Ouais, voilà, j'espère pour lui. Donc, il y aura une petite restauration sur place. Et, ben écoutez, il y a déjà des bons petits groupes d'annoncés. Il n'y a pas tout. Mais déjà, je sais qu'il y a un groupe que j'ai découvert. Il y aura les Head Blaster qui seront là. Ah. Tu les as découverts la semaine dernière, c'est ça ? Je les ai découverts, ben écoute, à un concert gratuit. Vendredi soir au Red Studio à Douai. Et ben voilà. Et franchement, ben là aussi, je te conseille d'y aller. En plus, c'est pour donner un petit coup de pouce pour le Rennfest. Encore une fois, je pense que c'est un festival qui est pas cher. Peut-être en difficulté aussi. Oui. Parce que bon, c'est vrai que c'est du hard rock. C'est du hard rock et les gens n'aiment. Il n'y a pas de trash, il n'y a pas de. Black. Il n'y a pas de black. Ça reste c'est pas violent, sur un seul style, ça n'a rien à voir avec le Goel. Enfin, je veux pas dire que le Goel Fest est hyper violent, mais c'est pas le même style. Non, c'est pas le même public non plus. Bien quoi. Que le Goel Fest aussi a eu des difficultés. Des difficultés quoi. C'est déjà dans le Nord, on est tributaire du temps. Hein. Si on il pleut, tu vas pas. On est tributaire du temps et il faut pas oublier que la région du Nord, elle est renommée pour être une région aussi pauvre. Hein. Ouais, tout à fait. Faut pas oublier, hein, malheureusement. Ouais. Donc ben voilà, on va pas rester sur une note triste. Hein. Donc c'est le Ch'ti Rock Festival, samedi 25 février, Tremplin de Rennes, Fest. Donc je rappelle tout simplement, parce que là c'est en radio, ça passe très vite, la publicité sera sur la page Rive d'Enfer. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Mais surtout que c'est en contribution pour le Rennfest. Le Rennfest avec Philippe qui organise. Quoi. Donc voilà, ça sera mis. Vous pouvez vous repérer, mettre l'adresse sur le GPS et ainsi de suite. Vous organisez aussi pour du convoiturage. Mmh. Voilà. Tout à fait. Juste aussi, comme dans les annonces, le 24, donc juste avant, le 24, on a notre ami El Bucho et Yann Armarillo qui seront à l'espace Cultura de Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait. Donc dans le magasin pour faire un showcase. Donc on a présenté un nouvel album ici dans Rive d'Enfer. Nous on y sera pour réaliser une interview face à face, face to face comme on dit dans le jargon. Et après le showcase, Yann Armarillo fera un masterclass pour les guitaristes en herbe. Donc ça se passera à l'espace Cultura de Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait, ça aussi je suppose qu'on peut retrouver éventuellement sur la page Rive d'Enfer. On retrouvera tout ça sur la page Rive d'Enfer. Ou le coin métal éventuellement. Ou sur le coin métal. C'était le coup de pub de Scream et Sylval. Allez, Total Violence avec Toxic Death, extrait de l'album Violence is the Way of Life. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Before you're born. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Total Violence avec Toxic Death. Voilà. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est un bon trashy. C'est pas mal, ça bouge bien, ça. Ouais. Alors, il y a quand même le trashy aussi dans Rive d'Enfer, bah de tout. Oui, alors là, il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Malheureusement. J'espère pour vous que ça a été encore un menu découverte, chers auditeurs, auditrices. On félicite les gagnants. Vous avez passé une bonne soirée avec nous. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc on félicite également les gagnants. Les gagnants. Hein. Phil et Yannick. Oui, tout à fait, et voilà. Les maisons de disques. Et on remercie les perdants d'avoir participé. Aussi, tout à fait. Il ne faut pas les oublier. Mmh. Et on remercie Kathleen qui est venue nous faire un petit bien coucou. Sûr, ça fait plaisir. Oui, oui. Voilà, et elle c'est bien. Quand elle veut, on la s'est porte bien est ouverte. Ce soir. On est un peu comme dans les vampires, tu vois, quand on rentre une fois ici, ben, on ne sait plus où on veut sortir. On ne peut plus en sortir. Ouais, voilà. Voilà. Parce que moi, quand je faisais la radio le mercredi, j'ai toujours adoré, mais le problème d'horaire avec le travail, je ne pouvais plus. Mais... Mm-hmm. Et là, ça correspond, donc pourquoi voilà. pas. Hein. Et en plus de ça, ben, c'est bien d'avoir une personne qui a une autre vision que nous dans la radio. Quoi. Voilà. Alors, Sylva, le programme ce week-end Le programme ce week-end, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end Concert dans les lattes ou bah pas non, écoute, il n'y a rien. Bon, repos rien, à la maison, non, alors. Je suis désolée, je ne vois rien. Et toi, Kathleen, un concert de prévu? Bah, comme, enfin, je ne sais plus si je l'avais dit en antenne ou pas, mais le prochain concert de Avenged Sevenfold, avec en première partie Disturbed et Chevelle, le 28 à Lille. Donc, voilà. Ah, ça va être bien. Je n'y vais même pas pour la première partie, j'y vais pour les groupes qui passent après. Mon groupe préféré sur l'affiche, c'est Disturbed. J'y vais pour eux. Oui. Il y a Loudblast aussi. Loudblast samedi. Samedi, oui. Au Splendide, c'est au ça. Au Splendide, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Au cas où. Ah bah, alors, mon prochain truc. Tu as trouvé le programme du week-end. C'est le vendredi 3 mars. Donc, ce sera le Red Studio. Encore un coup de pub. Red Studio Douai. Et le groupe, c'est Crazy Lizzie. Voilà. Et toi, Slasher? Ben, rien. Entrée gratuite. Entrée gratuite, oui. Voilà. Donc, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Normalement. Voilà, oui. Si tout va bien. Eh ben, moi, on verra bien. Sur mon coup de pub. Ouais, c'est on le pub de Valérie. On fera les petits coups de pub. Et nous, on va se quitter avec Adrian Payne and the Dead Sexy. Dead Sexy. Je termine avec du sexy. Hein. Dead Sexy, oui. Bah, c'est la Saint-Valentin demain. Oui, c'est la Saint-Valentin. Ah oui, les singes. Bonne fête à tous les singes qui s'appellent Valentin. Allez, avancez. On se quitte avec Adrian Payne. Cette blague a été condamnée par le tribunal de la blague. Oui. Avec Adrian Payne and the Dead Sexy In Time. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est extrait de l'album Mixed Message. Ciao les amis et merci d'être venus. Bye. Ciao. À la semaine prochaine.